الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors la dernière question que nous avons traitée la séance précédente, c'est la question de la présence ou non de mots non arabes dans le Coran. Et nous avons dit que cette question partage les savants, les ulama. Nous avons cité le premier avis, qui est d'ailleurs adopté par la plupart des savants, notamment l'imam Shafi'i, le cheikh des Mufassirin Ibn Jarir Tabari, Ma'mar ibn al-Muthanna, le grand linguiste. Et Inch'Allah, aujourd'hui, nous sommes arrivés au 27e dars de cette série de leçons de l'Itqan de l'imam Suyuti. Alors, le deuxième avis des ulama. Ils ont dit qu'il y a des mots non arabes dans le Coran. Seulement, ces mots ont été arabisés, introduits à la langue arabe, arabisés, c'est-à-dire adaptés à la langue arabe par le changement de leur structure et sont devenus des mots arabes, employés couramment par les arabes. Et ça on peut le trouver dans toutes les langues. On trouve des mots empruntés à d'autres langues. Par exemple, en français, si je prends l'exemple des mots arabes qui se trouvent en français, ou des mots qui ont été empruntés à l'arabe, ben comme le nom amiral en langue arabe, c'est Amirul Bahar. Algèbre, ça a été emprunté aux Arabes. Les Arabes disent Al-Jabr. Douane, en langue arabe, Diwan. Gazelle, en langue arabe, Ghazel. Girafe, en langue arabe, Zarafa. Aîné, avec H, le aîné, la plante, en langue arabe, Hinna. Tarif, en langue arabe, Tarifa. Talisman, en langue arabe, Talsam. Ces noms sont devenus, bon, avec le temps, des noms français. Et le contact des peuples permet l'échange culturel, permet l'échange des mots, et le fait que des langues aient en commun certains mots, ça c'est quelque chose de courant de toute façon. Les Arabes, ils ont arabisé ces noms étrangers, et ceux-ci sont devenus avec le temps des noms arabes. Et quand le Coran fut révélé, personne n'a trouvé ces noms étranges. Le Coran fut révélé avec la langue des Arabes, et on trouve dans le Coran ces mots-là qui ont été empruntés à d'autres langues, selon cet avis-là des savants. C'est-à-dire, quand le Coran fut révélé, personne n'a trouvé ces noms étranges, ni n'a contesté leur arabité. Les mécréants de Quraysh, qui étaient les plus éloquents, et qui cherchaient par tous les moyens à discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à attaquer le Coran et montrer que son origine est humaine, n'ont pas désapprouvé l'emploi de ces noms-là. Ils se sont habitués à entendre ces mots-là et les utiliser et tout. Donc ces mots étaient des mots arabisés, mais avec le temps ils sont devenus des mots qui font une partie intégrante de la langue arabe. Et cet avis-là est soutenu par Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam, ibn al-Naqib, al-Jawaliqi, ibn al-Jawzi, al-Suyuti et d'autres. L'imam Suyuti soutient cet avis. Ils ont dit aussi, ces savants-là, ils ont dit que l'existence de ces mots est une preuve de l'universalité du Coran. Bon, au point que certains ont dit, comme Abu Maysara le Tabi'i aussi, et Saïd ibn Jubair, et Wahb ibn Munabbih, ça c'est parmi les disciples des compagnons, ils ont dit que dans le Coran, il y a toutes les langues. Et que le Coran est choisi, il a choisi dans toutes les langues les noms les plus éloquents. Si bien que si on veut remplacer ces noms par d'autres noms, on ne peut pas. Donc, ça, c'est l'avis de ces savants-là. Et l'exemple, ils disent, le mot par exemple, istabraq, il a dit c'est de la soie épaisse. Les Arabes n'ont connu cette soie que des Perses. Donc, istabraq, c'est un nom perse. Ils ont dit que les Arabes n'ont connu ce genre de soie que des Perses. Donc c'est pour cela qu'ils l'ont introduit dans leur langue et le Coran l'a employé à sa place. C'est-à-dire que si on veut enlever ce nom-là et mettre un autre nom, on ne peut pas. Suyuti, rahimahullah, il en a recensé une centaine. Il a même écrit un livre là-dessus, comme j'ai dit dans la séance précédente. Il a cité ces noms-là, il l'a cité dans l'Itqan. Mais ces noms sont à vérifier, parce que certains noms qu'il a considérés comme non-arabes, ils sont considérés par considérés comme des noms à la arabe par des linguistes reconnus. Comme je vais donner des exemples, Qirtas. Lui, il a cité Qirtas parmi les noms non arabes. Il a dit que le Jawaliqi, le linguiste al-Jawaliqi, ne le considère pas comme un nom d'origine arabe. Qirtas, comme dans le verset de la sourate Al-An'am, où nous nazzalna 'alayka kitaban fi qirtasin falamassuhu bi'aydihim. Même si nous faisions descendre sur toi un livre écrit sur un parchemin, Qirtas. Or, ce nom Qirtas est un nom purement arabe, comme s'accordent à le dire les linguistes. Ahmed Shakir, qui a d'ailleurs fait le tahqiq, la vérification du livre de l'imam de Al-Jawaliqi, il a dit que seul Jawaliqi a dit cela. Suyuti, il rapporte aussi que Mujahid a dit que Qistas, le terme Qistas, la justice, vous voulez en traduire Qistas, c'est la justice en langue romaine. Et aussi Saïd ibn Joubert, il a dit Qistas, c'est la balance en langue romaine. Al-Qistas, wazinu bil-Qistas al-Mustaqim. Wazinu bil-Qistasi al-Mustaqim. C'est-à-dire, faites les bonnes pesées de manière juste. Ça, on trouve dans Sourate l'Isra, dans Sourate l'Ashuara, Wazinu bil-Qistasi al-Mustaqim. Ahmed Shakir, il a dit que le Qistas est en langue arabe. Il a une étymologie, il dérive du Qist, justice. On emploie le nom arabe, Qasita, Yaqsito, Qist. Donc, Qistas est un nom arabe. Wa'awfu al-kayla wal-mizana bil-Qist. Faites la juste mesure. Le juste poids. Bilqist, l'qist veut dire justice. Qufl. L'imam Suyuti, il l'a cité parmi des noms non arabes. Il a dit qu'Al-Hilali a dit que c'est un nom perse. Alors qu'en vérité, Qufl, c'est un nom arabe. Il est employé à l'origine pour désigner la dureté et la sécheresse. Comme a dit Abu Hayyan dans son livre Al-Bahar al-Muhit, dans son livre du Tafsir. قفل أم على قلوب أقفالها dans sourate Muhammad أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, que ne médite-t-il le Coran ou bien les cœurs sont complètement verrouillés. قفل, c'est verrou, si vous voulez, c'est le verrou, et à l'origine il est employé pour désigner اليوبس, la sécheresse et la dureté. Comme autre exemple, Jahannam. Jahannam, le nom de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Jahannam, c'est l'Azhari dans Kitab al-Lisan. Suyuti, il l'a cité comme un nom qui n'est pas arabe, un nom d'origine perse ou hébreuse. Le linguiste l'Azhari, il a dit que Jahannam est un terme arabe. Et Ibn Khalaway aussi, il a dit que c'est un terme arabe. On qualifie de jihnam quelque chose de profond. On dit un puits jihnam, bi'run jihnam, ça veut dire un puits profond. Et le fait que ce terme se trouve en langue hébreu ne change rien, puisque l'arabe est plus ancien que l'hébreu. Il y a d'autres noms arabes que Suyuti a cités parmi les noms non arabes. Les autres noms, il y a des noms qu'on trouve dans 3, 4, 5 langues et plus. Donc, si on trouve un même nom dans 4, 5 langues, alors qui a emprunté à l'autre, hein? Surtout que la langue arabe est ancienne, comme on a dit. Bon, Inch'Allah, nous allons passer à la deuxième étape de l'apprentissage du tafsir. Donc, pour comprendre le texte coranique, nous avons dit qu'il faut comprendre le sens des mots coraniques, les mots qui sont difficiles pour nous. C'est ce qu'on appelle gharib le Coran. C'est normal. J'ai un verset, je veux le comprendre. Je vais essayer d'abord de connaître le sens des mots qui le composent. Comme alif lam mim zalik al kitab la raib fi. Je sais ce que signifie kitab, mais raib, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je cherche dans les lexiques. Raib signifie chèque. Celui-là, il est livre, nul doute ne l'entache. Donc, ça, bon, concernant le lexique, ça c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle al-i'rab. C'est ce qu'on appelle l'i'rab. Entre parenthèses, syntaxe. C'est quoi d'abord l'i'rab? Sens étymologique du mot i'rab. Alors, l'i'rab, c'est le fait d'exprimer une chose de manière claire. C'est l'ibana. Exprimer de manière claire la chose. A'rab ani shay, ça veut dire il l'a clairement, il a bien expliqué, il a bien exprimé. Il a bien exprimé. A'rab ani shay. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawloudin yuladu ala al-fitra hatta yu'ariba anhu lisanu. Fa'abawahu yuhawidani, ou yunassarani, ou yumajisani. C'est un hadith qui est apporté par Tabarani selon l'Aswad ibn Sari'a. Il se trouve dans cette silsila sahiha, il est authentique. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout nouveau-né naît selon la saine nature jusqu'à ce qu'il exprime, par sa langue. Il exprime par sa langue quoi? Il exprime sa croyance, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Il devient alors capable d'exprimer clairement ce qu'il croit. Hatta yu'ariba. Le prophète sallam, il a employé le verbe a'raba yu'ariba. Ça veut dire il explique clairement ce qu'il croit. On dit aussi que l'origine de l'i'rab, c'est al-arab avec la fatha. Al-arab est parmi ses usages. Il est employé pour désigner l'altération du lait. On dit « arib al-labanu », c'est-à-dire que le lait s'est altéré, il a tourné. Et « araba », c'est « enlever la corruption ». Bon, « ariba », ça veut dire « se corrompre », s'altérer. « Ariba », c'est s'altérer. Mais « araba », c'est « enlever la corruption ». D'accord? C'est enlever la corruption. La hamza, dans le verbe, la hamza initiale, a'araba, est une hamza qui a pour fonction l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle hamza tu selb. On appelle ça hamza tu selb. Hamza tu selb ou hamza tu izala. Les exemples sont nombreux en langue arabe. On dit aqala al-ba'ir. Il a attaché le chameau. Le ba'ir, c'est chameau. Et aqala, attaché. Aqala vient du iqal, le lien. Le lien, c'est-à-dire l'attache, le lien. Et aqala le ba'ir, d'où le nom aql. Aql, c'est quoi? C'est il maîtrise la chose, il l'attache. Donc, aqala le ba'ir, il a attaché le chameau. Aqala le ba'ir, c'est l'inverse. Il a détaché le chameau parce qu'on a ajouté la hamza. C'est une hamza de l'enlèvement, qui exprime l'enlèvement. Lorsqu'on dit « ataba alayya fa a'tabtu ».« Ataba alayya », il m'a fait des reproches. « L'itab ataba », c'est « il a fait des reproches ». ».« Il m'a fait des reproches ».« Fa a'tabtu », là j'ai ajouté une hamza « a'taba ». A'taba, c'est quoi? C'est-à-dire que je l'ai satisfait si bien qu'il a enlevé ses reproches. Qasata, c'est commettre une injustice. Aqsata, c'est enlever l'injustice. D'accord? Wa aqsitu, quand Allah il dit wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin, comme dans sourate al-Ma'ida et al-Hujurat, agissez avec justice, Allah aime les justes. Aqsata, c'est agir avec justice. Qasata, c'est commettre une injustice. Comme dans surat al-jinn, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, les djinns ont dit, « Wa anna minna al-mu'minuna wa minna al-qasitun. » Et il y a parmi nous les croyants, comme il y a parmi nous des ennemis de la justice. « Al-qasitun » veut dire quand des injustes, des ennemis de la justice, des ennemis de l'équité. Parce que « qasat », mais « aqsata », Ça, c'est la justice, établir la justice. Donc, d'ailleurs, la Hamza, il peut avoir plusieurs fonctions. Je parle de là ici. Bon, je parle bien sûr de la Hamza qui s'ajoute à un verbe, la Hamza initiale dans un verbe. Non? Il y a la Hamza de la ta'diya, c'est-à-dire de la transitivité, c'est-à-dire elle rend un verbe intransitif, elle le rend transitif, comme par exemple, dakhalto, dakhala, il est entré. Adkhala, il a fait entrer. Il a fait entrer quelque chose ou quelqu'un. Donc, araba, c'est expliquer, expliciter, expliciter ce qu'on pense et enlever la corruption. Donc, d'ailleurs, ce sens-là, il est resté dans le sens terminologique de l'i'rab, qui est la recherche du sens à travers l'examen des positions des mots, de leur agencement et de la structure de la phrase. C'est ça l'i'rab dans la terminologie. Des mu'arribin, des linguistes, des grammairiens, pardon. Bon, et c'est la recherche du sens de la phrase, des mots, du groupe de mots, à travers l'examen des dispositions des mots, de leur agencement et de la structure de la phrase. Ça, c'est le travail de celui qui s'occupe de l'arabe. Il analyse les mots. Il dit ce mot, c'est un verbe, celui-là est un nom, cet autre est un adjectif, un complément. Bon, il analyse les particules. Cette particule, c'est une particule de conjonction, c'est un possessif, c'est un démonstratif, c'est un génitif, c'est une particule qui régit au génitif le nom qui suit. La particule inna et ses sœurs, il analyse, bon, il analyse les liens entre les mots et les liens entre les phrases, ce pronom renvoie à tel nom et à tel verbe. Bon, les arabes, si vous devez le comprendre, est une branche de la grammaire. Et la traduction du mot arabe par syntaxe des énonciels est une traduction réductrice, incomplète. Faites très attention à cela. D'où vient cette traduction? C'est que les mots qui acceptent plusieurs lectures des énonciels, c'est-à-dire plusieurs vocalisations de leur dernière syllabe, des énonciels, c'est terminaison. Comme par exemple, al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. Vous me suivez? Comment le dernier mot change? Comment la dernière voyelle change? Kitabu, kitaba, kitabi, kitaban, kitabun, kitabin, mu'minuna, mu'minina. Le ya à la place du waw. Donc, ça, les noms qui acceptent ces différentes vocalisations, on les appelle mu'arab. On les appelle mu'arab. D'accord? Donc, ça c'est, si vous voulez, d'où vient cette traduction? Pourquoi certains disent que l'arabe c'est la syntaxe des énonciels? Ben, enfin, les noms qui acceptent plusieurs lectures de leur terminaison, alors ceux-là sont appelés mu'arab. C'est par opposition au nom qui est indéclinable, qu'on appelle nom indéclinable, c'est-à-dire qui ne varie pas, qui ne varie pas. Donc c'est dans ce sens que certains ont expliqué l'arabe par désinence. Sinon, l'arabe est plus large que cela. Le mot arabe, bien sûr, le mot arabe, c'est tout ce qui est bon. Tout ce qui est régi par un verbe ou par une particule qui le précède, comme par exemple, qara'tu fil kitabi, j'ai lu dans le livre, qara'tu, moi, c'est un verbe, d'accord, au passé, et fi, c'est une particule, et le kitabi, c'est un génitif, bon, c'est fi, il a transformé, c'est elle qui a affecté la terminaison de kitab par la kasra à la fin, fil kitabi, et non pas fil kitaba ou fil kitabo. Donc ça, le kitab est un nom mu'arab. C'est un mot qui accepte différentes vocalisations des énonciels. Akhadhtu al-kitaba. J'ai pris le livre, le kitab. Ici, c'est un complément. Donc, il est au cas accusatif. Donc, kitaba, on ne dit pas le kitabi. Akhadhtu al-kitaba, c'est un complément d'objet. Donc, il est à l'accusatif, il est mansoub. Et dhalika al-kitabu, il est marfou ici. Le kitab est un attribut du sujet. C'est un attribut, dans les cas, c'est un ism ishara, c'est un démonstratif. Et ism ishara, démonstratif, il est marfoua. Bon, il est au cas nominatif. Donc, le kitabou, il le suit, c'est un khabar. Et donc, il est à l'accusatif. On dit dalik al kitabou et non pas dalik al kitaba ou dalik al kitabi. Donc, ces noms-là. Sont appelés mu'arab par opposition, comme j'ai dit, au mabni, c'est-à-dire les indéclinables, les noms qui n'acceptent qu'une seule lecture des énonciés invariables, comme on dit, comme kaifa. Kaifa, ça ne change pas selon sa position, qu'elle soit précédée par une particule ou un verbe ou quoi que ce soit. Qu'elle soit au début d'une phrase ou à la fin, kaifa, ça reste kaifa, c'est-à-dire elle se termine toujours par la fatha à la fin. Les dhamma, les pronoms sont tous indéclinables. Anna, anta, anti, huwa, hiya, ou pardon, c'est les pronoms. Anna, anta, anti, huwa, hiya, ça reste, sont des indéclinables. Et les asma, les ishara, les démonstratifs comme hadha, haulai, oulaik, etc., dhalik, aussi sont indéclinables. Donc l'arabe dans ce sens n'est qu'une partie du grand arabe. L'arabe, comme j'ai dit, est une branche de la grammaire. La grammaire nahou, la science de la grammaire. Et la science de la grammaire et la science de l'arabe sont des sciences dont le précurseur est le Coran. C'est dans le but de préserver le Coran de tout barbarisme, de tout ujma que sont créés ces ulum là, ces sciences-là. Et d'après certaines sources historiques, le premier qui a établi les premiers principes de cette science est Ali ibn Abi Talib. On raconte qu'Abu al-Aswad al-Du'ali, on a parlé de Abu al-Aswad al-Du'ali, le premier qui a mis les voyelles dans le Coran sous forme de points. Au début, avant les harakats, avant les signes que nous connaissons, les signes diacritiques que nous connaissons, la dhamma, la fatha, la kasra, le tanwin, etc. Donc, on raconte qu'Abu al-Aswad al-Du'ali, est entré un jour chez Ali ibn Abi Talib et trouva dans sa main une feuille. Il lui demanda ce que c'est. Et Ali lui répondit qu'il a constaté que le langage des Arabes a été corrompu par le contact avec les non-Arabes. Et il a dit, j'ai voulu leur établir des règles auxquelles ils puissent se référer. Puis il lui jeta la feuille et il y est écrit, la parole se compose de noms, de verbes, de lettres, puis les définitions du mot, du lettre, du nom, pardon, du nom, de la lettre et du verbe. Puis il lui a dit, procède de cette manière. Il lui a dit, unhu hadha an-nahw, unhu hadha an-nahw. C'est à partir de là que cette science fut appelée nahw. Nahou, nahou, c'est quoi? Nahou veut dire suis cette voie. Hein? Nahou, ça veut dire voie, ça veut dire maqsad. Hein? Ça vient du verbe naha. Naha, ça veut dire yaqsido. Yaqsido. Donc, lui a dit suis, procède de cette manière dans le reste des règles de cette science-là. Quand il lui a dit nahou, c'est là où on a appelé cette science un nahou. Ça, vous pouvez le trouver dans Kitab Nuzhat al-Alba' fi Tabaqat al-Udaba' ibn al-Anbari, rahimahullah. Et on raconte aussi que c'est Abu al-Aswad al-Du'ali qui est le premier initiateur de la science de la grammaire et que cela est lié à une histoire avec sa fille. Elle dit une fois, il dit « Ma ajmal al-sama' » Sa fille a dit « Ma ajmal al-sama' » Ajmal vient du Jamil, c'est « beau » et « sama' »« Sama' » c'est le ciel. Hein? Sa fille lui a dit ma ajmal al-sama. Et quand il lui a dit ma ajmal al-sama, lui il a répondu, il a dit ses étoiles. Abu al-Aswad Ali a compris qu'il pose une question. Quand il dit ma ajmal al-sama, ben, ça veut dire qu'est-ce qui est beau dans le ciel. Ma ajmal, ça veut dire la particule ma, c'est une particule interrogative. Et donc ma ajmal al-sama'i, là il y a un terme sous-entendu, savoir quelle est la meilleure chose, la plus belle chose dans le ciel? Et lui, il a répondu, il dit, ce sont ces étoiles. Et elle, il a dit, non, je ne suis pas en train de poser une question, mais je m'exclame, je dis ça en signe d'admiration. Et là, il l'a corrigé, il a dit dans ce cas, dit ma ajmal al-sama. Ma ajmal al-sama, avec la fatha. Ma ajmal al-sama. À l'accusatif, ma ajmal al-sama. Comme le ciel, là, si je traduis ma ajmal al-sama, c'est comme le ciel est beau. Et ma ajmal al-sama, quelle est la chose la plus belle au ciel? Ça, vous avez constaté que une seule voyelle a changé complètement le sens de la phrase. Quand il a mis à la place de la fatha, il a mis la damma ma ajmalou, ça a complètement changé la phrase. C'est devenu une forme interrogative au lieu d'être une exclamation comme elle le voulait, elle. Parce que ma ajmalou, le ma, dans ma ajmalou, le ma, il joue le rôle de mubtada. Il joue le rôle de mubtada. Et puis ajmalou, c'est le khabar, hein. Il est au cas nominatif, et c'est pour cela qu'il porte la damma. Ma ajmal al-sama. Mais dans le cas où c'est une exclamation, le ma, alors ça devient une particule exclamative. Ma at-ta'ajjubiyya, qui est suivi d'un verbe qui est normalement indéclinable. Ajmala. Ajmala. Fi'l mad, jamid, mabni 'ala al-fath. C'est comme ça qu'on l'analyse syntaxiquement, hein. L'afa'al jamida comme laysa, asa, ni'ma, etc. C'est des verbes inertes. Mais le verbe qui vient après ma exclamative, il devient inerte et il devient indéclinable. Et on raconte que le premier chapitre avec lequel Abou al-Aswad Ali a commencé la grammaire, c'est justement l'exclamation. Donc, le gharib me permet de connaître le sens des mots. Maintenant que je connais le sens des mots, j'analyse grammaticalement chaque mot. Est-il un mubtada? Est-il un mubtada, un sujet? Les noms par lesquels commencent les phrases, un mubtada, qui sont marfou' ou en général, et qui sont toujours au nominatif, ils sont toujours marfou'. Et puis, est-ce qu'il est un khabar, est-ce qu'il est un complément, ou est-ce qu'il est un adjectif? Pourquoi il est ici dans cette phrase, et c'est-à-dire ici dans cette place? Pourquoi il est antéposé ou postposé? La particule qui le précède a-t-elle un effet sur lui? Il y a une particule de conjonction, est-ce qu'elle lie au terme qui est juste derrière lui, ou il faut revenir plus loin encore? Ce pronom renvoie à quel mot, etc. C'est ça l'analyse syntaxique. Bon, cette phrase est-elle principale ou subordonnée? Tout cela, on l'appelle l'i'rab. Ça me permet de me repérer, d'avoir une idée globale de la phrase. Une idée globale, une idée première, claire de la phrase. L'i'rab est d'une importance fondamentale pour le mufassir. Sans quoi il se perdra. Il y a des règles, des principes et un manège grammaticaux, syntaxique dont le commentateur a besoin pour bien s'orienter dans son examen du livre d'Allah. Sans ce manège, sans ces règles, il risque d'interpréter faussement le Coran et d'encourir la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala proférée contre ceux qui disent au sujet d'Allah ce qu'ils ne savent pas. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah interdit les turpitudes, ce qui en est apparent, ce qui en est caché, le péché, la volonté de dominer sans le moindre droit, que vous associez, le shirk, que vous associez, interdit que vous associez à Allah ce pourquoi il ne fit descendre aucun argument et que vous disiez au sujet d'Allah ce que vous ne savez pas. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Araf. Menace terrible. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis l'association juste à côté du péché de dire à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas. Je vais donner un exemple où l'erreur dans l'arabe, l'erreur peut fausser le sens et peut donner un sens contraire au verset. Je vais donner l'exemple d'un verset dans sourate Hud. Qalu ya Shu'ayb as-salatuka ta'muruka an na'budu ma ya'budu aba'una أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. Donc, je vais traduire littéralement ce verset-là. Ils diront, ô Shuaïb, tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres ou que nous disposions de nos biens à notre guise? Tu es vraiment le magnanime et le raisonnable. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. Ils dirent, ô Shuaib, tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou أن نفعل في أموالنا ما نشاء, ou que nous disposions de nos biens à notre guise, comme tu es magnanime et raisonnable. Hein? Là, c'est comme ils se moquent. C'est Surat Hud, ça. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك, ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres? Asalatuka, la hamza, c'est une hamza interrogative et ironique, parce que bon, il ironise, il se moque de Shu'aib alayhi salam. Asalatuka, et salatu, c'est un mubtada marfou', c'est un sujet, il est au cas nominatif, d'accord? Salatu, mubtada marfou', ta'muruka, et puis ta'muruka, c'est un verbe fi'l mudari', marfou', ta'muruka, et puis le kaf, c'est un complément, c'est un détail de la syntaxe. Ta'muruka kaf damir mabni fi mahall nasbin maf'ul bih ta'muruka, et puis le khabar, c'est-à-dire le prédicat de salatuka, c'est toute la phrase qui reste en fin de compte. Bon, أصلاتك تأمرك أن نترك أن c'est un حرف نصب مصدري, c'est un حرف مصدر. La particule أن, il régit ici le verbe qui la suit, régit le verbe qui la suit et le rend au subjonctif à la base, d'accord, il le rend au subjonctif. Ben, le verbe, il est normalement, il est مضارع, c'est un verbe présent. Et normalement, il est marfou, natruku, on dit natruku, mais là, il l'a transformé au subjonctif, il dit asalatuka ta'muruka an natruka. Donc, le mu'arab, il est à la fin, il porte la fatha à la fin, parce que c'est le n qui l'a transformé en mansob, c'est le n qui l'a régi au subjonctif. D'accord? An natruka. De même, qu'est-ce qu'elle fait cette particule n? Ben, n, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait office de nom d'action. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme le verbe qui la suit en un nom. Elle le transforme en un masdar, en un nom d'action. Asalatuka ta'muruka tarkana ma yaf' ma ya'budu aba'una. Si vous voulez que je la convertisse selon ce sens-là que j'ai expliqué. D'accord? أصلاتك تأمرك أن نترك أن نترك le أن et le نترك le أن la particule et نترك le verbe abandonner. Si je les lis tous les deux, ben normalement le أن il convertit ce verbe là, il le convertit en un nom d'action et je peux mettre à sa place un nom. تأمرك أن نترك تأمرك ترك تأمرك ترك, il devient comme un nom. Natruka, bon, je garde le verbe. Fa'il mudari' mansoub. Ou le fa'il damir, nahnu. Bon, le fa'il, c'est nous. Que nous abandonnions. Et ma, ism mawsoul. Ma, c'est un pronom relatif. Hein? C'est un nom conjonctif. Mabni fi mahalli nasbin, maf'oulun bih. D'accord? Il fait fonction de complément. D'accord? Tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres ou que nous disposions de nos biens à notre guise? Ça, c'est la traduction mot à mot. Est-elle bonne, cette traduction? Est-ce qu'elle est bonne, cette traduction? Ben, est-ce que Shu'aib leur ordonne de faire de leurs biens ce qu'ils veulent? Hein? Ils peuvent frauder, ils peuvent pratiquer le riba, ils peuvent pratiquer l'usurpation, etc. Parce que c'est avec cette traduction, la personne, qu'est-ce qu'il va comprendre? Ça veut dire, le Shu'aib, il dit, bon, Shu'aib, tes prières t'ordonnent-elles que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres ou que nous disposions de nos biens à notre guise? Ça veut dire qu'il lui pose la question, est-ce que tes prières, est-ce qu'elles t'ordonnent que nous disposions de nos biens à notre guise? Que nous soyons libres de faire de nos biens ce que nous voulons. Non, eux, c'est pas cette question qu'ils lui posent, c'est pas ça qu'ils visent. Quand ils lui ont dit ça, parce que le Shu'aib, il n'aura pas dit, il n'aura pas ordonné de faire de leurs biens ce qu'ils veulent. Au contraire, il leur a dit, voilà, tenqu'usul mikyal wal mizan, ne fraudez pas dans les mesures, ne faussez pas la balance. Il leur a dit ça, il leur a mis en garde contre ça. Donc, le problème dans quoi? C'est dans ma lecture syntaxique de ces phrases-là. Le aou, la conjonction aou an-naf'ala, elle gère un rapport d'annexion entre quelle phrase et quelle phrase? Ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou ce ou-là, il lit quelle phrase à quelle phrase. Elle gère un rapport d'annexion entre la dernière phrase que nous disposions de nos biens, que nous disposions de nos biens, et la phrase qui commence par ce qu'adoraient nos ancêtres, et non pas que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres. Donc, il y a un lien entre c'est le verbe abandonner, en fin de compte, c'est le verbe abandonner qui est l'agent actif qui gère les deux phrases. C'est le verbe abandonner, excusez-moi parce que ce genre de choses a besoin vraiment d'un tableau pour bien expliquer, parce que bon, pour que je schématise, je marque le complément, quelle phrase il y a à quelle phrase, mais essayez, Inch'Allah, de me comprendre, de me suivre. C'est le verbe abandonner, qui est l'agent actif, qui gère les deux phrases. Le taqdir, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les termes sous-entendus, je vais les mettre en évidence. Voilà. C'est comme s'ils disent an natruka ma ya'budu aba'una ou an natruka an naf'ala fi amwalina ma nasha. C'est comme s'ils lui demandent, est-ce que ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres et que nous abandonnions, et là je le répète, le verbe taraka, pour être clair, et que nous abandonnions ou que nous renoncions à disposer de nos biens. C'est celle-là la phrase. C'est comme ça qu'elle doit être traduite. Et c'est comme ça qu'elle doit être comprise. Je vais répéter. Ta prière t'ordonne-t-elle que nous abandonnions ce qu'adoraient nos ancêtres et que nous renoncions à disposer de nos biens à notre guise? Voilà, c'est ça l'atf. Ma'toufa ala ma ya'boudou wa laysa ma'toufa ala an natruka. C'est ça, comme on dit en arabe. Donc, une erreur dans l'analyse conduit à une erreur d'interprétation, conduit à une erreur de traduction. Conduit à une erreur de traduction. Donc, vous avez compris? Il demande à Shu'aib, est-ce que tes prières, il t'ordonne que nous renoncions à ce qu'adoraient nos ancêtres et que nous renoncions à nos pratiques, et là il se moque, il dit tu es vraiment le magnanime et le raisonnable. D'accord? Donc l'arabe ou l'analyse syntaxique me permet de connaître la signification de base de la phrase ou des phrases. L'ignorance de cet art ou l'erreur dans l'analyse syntaxique conduit à des fausses interprétations, des fausses traductions, comme j'ai dit. J'ai dit la signification de base, pourquoi? Parce qu'il y a une autre étape qui est l'étape de la méditation du style, des figures du style. Une méditation qui met en évidence la précédence du texte coranique et par laquelle on tire les statuts légaux, les enseignements. Si vous voulez, les arabes, c'est juste pour une deuxième étape pour les débutants. Hein? J'ai une idée générale du verset. Au moins, je ne me trompe pas de sens général. Mais il y a une autre étape qui est l'étape de la méditation, du style, de déduction des enseignements. On dit ahkam une étape qui met en exergue l'inimitabilité du texte coranique. Et ça, c'est le travail du mufassir, du commentateur. Donc, on médite profondément le texte, s'il fait l'exégète, il regarde le texte, l'observe, et est-il péremptoire ou équivoque, est-il à portée générale ou particulière, restreint-il la portée d'un autre passage, est-il un énoncé qualificatif ou un énoncé prescriptif, c'est-à-dire incha', ou un énoncé descriptif, qualificatif, khabar, lien de correspondance entre les versets, le sens implicite, le sens explicite, ça c'est le travail de Mufassir, ça c'est l'étape supérieure. Je vais donner un petit exemple. Inch'Allah, vous me suivez, parce que c'est pas facile même pour moi pour expliquer, les arabes c'est pas facile. Déjà pour trouver les mots qui rendent vraiment le sens de certains termes techniques, c'est pas facile. Pour traduire le complément, le génitif, etc., c'est pas évident. Alors, un petit exemple. يقول الله سبحانه وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون. C'est bon? Verset facile dans Sourate Al-Duha. Pardon. Dans Sourate Al-Nun. Nun والقلم وما يسطر. Sourate Al-Qalam. ما أنت نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. D'accord? Voilà. J'ai le verset devant moi, qu'est-ce que je fais? On va consulter les livres du Gharib, les lexiques, le terme ni'ma, sa définition, le terme rab, le terme majnoun, sa définition, et on passe à l'étape de la syntaxe. Bon, c'est quoi? Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Ma ici, le ma, la particule ma, est-ce que c'est une particule conditionnelle? Une condition comme en français. Est-ce que c'est un pronom relatif? Est-ce que c'est une particule interrogative? Là, je regarde bien. Ah, c'est une particule de négation. Particule négative. Ma anta, tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas, par la grâce d'Allah, un fou. Un possédé ou un fou. D'accord? Donc, le ma ici, c'est une ma négative qui nie l'existence de la folie. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défend son prophète, il dit tu n'es pas un fou. Donc je relis la phrase ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Le ma ici c'est une particule négative et c'est une ma qu'on appelle le ma hijaziya. Ma hijaziya est là la même fonction que laysa. Et là la même fonction que laysa. On dit laysa tilmidu kasulan. Laïsa Tilmid, vous connaissez le kana wa akhawatuha, le verbe kana, et le verbe d'état kana et ses sœurs. Laïsa Tilmid ou Mujtahidan. De toute façon, il gère le premier, où il impose le cas nominatif au sujet, le cas sujet au Mubtada, enfin le cas nominatif au Mubtada, qui est Tilmid, et le cas accusatif à l'attribut qui est mujtahid. L'élève n'est pas actif, n'est pas intelligent, ne fait pas d'effort, n'est pas actif si vous voulez. Laysa tilmidu mujtahidan. Donc le ma ici, il joue le rôle et il a la même fonction que laysa, qui gère le nom, le mubtada au nominatif et le khabar qui est l'attribut, le prédicat si vous voulez, à l'accusatif. Donc ma nafiya hijaziya, c'est un pronom, c'est une particule négative qui a la fonction de laysa. Et anta, ma anta, c'est un damir munfasil fi mahalli raf'in ismuma, c'est un pronom disjoint qui remplace le sujet. C'est un le pronom disjoint. Anta, c'est, il renvoie à qui? À Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ma anta, ya Muhammad. Ma anta, c'est un damir. C'est un damir munfasil. C'est un pronom disjoint. Parce qu'il y a les pronoms affixes et les pronoms disjoints en langue arabe. D'accord? Et c'est un, il est au cas, nominatif, il est marfou', il est marfou', il est ismu, il est géré par la particule, bini'mati, j'ai la préposition ba, et j'ai le génitif ni'ma. D'accord? Donc c'est j'ai un jar et majrour. Bini'mati, jar et majrour. Le ba, il a influencé ni'ma et il a affecté de la kasra à la fin. D'accord? D'accord. Bini'mati rabbika. Et rabbika sert de complément. C'est un mudafun ilayh. C'est un sort de complément à ni'ma. Hein? Ni'ma, c'est bienfait. Bienfait. Grâce au bienfait de ton Seigneur, si je veux traduire. Grâce au bienfait de ton Seigneur. Donc, mais il y a une chose qui est très importante, c'est que la préposition et son génitif, et le génitif qu'elle gère, ça veut dire bi ni'ma, j'ai une particule bi et j'ai ni'ma, ces deux doivent nécessairement dépendre d'un verbe ou d'un mot qui renferme le sens d'un verbe. C'est ce qu'on appelle le muta'allaq. C'est comme en français, on dit pas tout simplement à la maison, à la bibliothèque, au marché. Non, il faut un verbe. Je suis allé, je suis entré dans la maison, je suis allé au marché, on peut pas dire dans la maison, sur le toit, oui, sur le toit quoi? Il faut un muta'allaq, il faut un verbe auquel dépend ce complément-là. Ben, la même chose pour le génitif, bini'mati, ben, il faut, on dit bismillah. Bismillah, t'as le ba, la particule, et ismi qui est un génitif. Mais le bismillah doit dépendre d'un verbe ou d'un nom qui joue le rôle de verbe, qui renferme le sens de verbe. Ce muta'allaq, normalement, il est sous-entendu. Quand je mange et quand je dis bismillah, normalement, c'est je mange bismillah. C'est le verbe. C'est le verbe là qui est sous-entendu. D'accord? C'est ce qu'on appelle le muta'allaq. Alors, quel est le mot auquel le génitif et la particule, la préposition et le génitif auquel dépend, c'est le nom qui va suivre. Bimajnoun. Bini'mati rabbika bimajnoun. C'est le nom majnoun, fou. Je traduis fou. Qui est lié, ce génitif dépend de ce nom-là, qui est majnoun. Il dépend de ce nom-là. D'accord? Grâce au bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Grâce au bienfait de ton Seigneur, tu n'es pas fou. À la base, normalement, tu n'es pas fou grâce au bienfait de ton Seigneur. C'est comme ça que ça doit être. C'est, tu n'es pas fou, fou, le nom fou, normalement, c'est le terme auquel dépend la préposition et son génitif. Bini'ma. D'accord? Bimajnoun, qui est le muta'allaq, c'est aussi un jar et majrour, c'est aussi qu'on porte la préposition et le génitif. Mais là, c'est le bimajnoun, c'est une préposition supplétive. C'est une préposition, ce qu'on appelle za'ida. Il est ajouté, c'est excédente. Hein? Il fait exception à la règle du génitif. Il n'a pas de muta'allaq. Il ne dépend pas d'un verbe ou d'un nom. C'est là parce qu'il est juste une préposition supplétive. Mais on ne dit pas dans le Coran excédentaire ou supplétive parce qu'il n'y a pas dans le Coran quelque chose de superflu ou d'excédentaire ou de supplétif. Hein? Mais on dit salatun li tawkit. C'est un lien intensif qui a une fonction intensive. Il n'y a pas dans le Coran de quelque chose d'excédent, de plus yad à ce que disent les grammaires. D'accord? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnoun. Donc, ma anta. Anta ismu ma marfou' bi ni'mati jar wa majrour. Et voilà. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnoun. Parce que normalement, si on lève le bas, ça va être ma anta bi ni'mati rabbika majnoun. Vous savez que le ma joue le rôle de laïsa. Donc, le khabar, il est à l'accusatif. D'accord? Il est pas marfou, il est mansoub. Majnounan, khabar ma mansoub, normalement. Donc, bi majnoun, c'est jarou majnoun, mais normalement majnoun, c'est un khabar mansoub, mahallal majrour, lafdan bilba izzaïda. منع من ظهور الشغال المحلي بحركة الحرف الزائد. Ça c'est l'analyse syntaxique. C'est un peu compliqué quand même l'analyse syntaxique. Mais il faut juste l'apprentissage graduellement, un peu d'effort et tout s'éclaircit, inshallah. Voilà, le mu'arib, le grammairien, il analyse syntaxiquement le verset. Il te dit voilà. Ma a la fonction de laïsa. Anta, c'est un pronom qui remplace le sujet régi par ma. Bini'mati, c'est une préposition, c'est une. Il y a le ba qui est une préposition, et ni'ma qui est son génitif. Rabbika, c'est un complément de ni'ma, et le kaf, c'est un pronom qui désigne Muhammad. N'est-ce pas, Rabbika? Et bi majnoun, t'as un jarru majrour, le ba, c'est une préposition, mais ce n'est qu'une préposition supplétive, et majnoun, c'est un génitif. Ah, voilà ce que fait le mu'arib, voilà ce que fait le grammairien. Il fait ça et il pose le stylo. L'exégète, qu'est-ce qu'il fait? L'exégète va plus loin, le mufassir. Il observe la particule ma. Il dit, Allah n'a pas dit laïsa, qui est un verbe. Il a employé la négation ma qui est plus percutante et plus stable. Ma anta. Le verbe est actif, vous savez, le verbe, il est en mouvement. Là, il faut une négation absolue. Donc, le terme approprié, c'est ma. Et puis, avec ma, il y a le pronom disjoint. Anta. Anta. S'il avait employé le verbe leïsa, ça va être lesta. Et on aura un pronom affixe. Mais le pronom disjoint, il a la fonction, il a le rôle d'intensif. Il y a une différence entre le fait de dire à quelqu'un tu es courageux et le fait de lui dire toi, le courageux. Ça en est fait. D'accord? Ben, c'est comme ça, en langue arabe. Ma anta. Il n'a pas dit lesta bi ni'mati rabbika. Ma anta. La négation absolue et totale. Il n'y a pas de verbe. C'est une particule. La particule est stable. Anta, c'est un pronom disjoint. Il a le rôle d'intensif. Puis il regarde bi ni'ma. Bi ni'mati rabbika. Bi ni'ma. Il dit, bon, voilà, là, j'ai la proposition, la préposition, et j'ai son génitif. Il cherche le mot auquel ce jar et majrour est lié. Il va chercher, il se trouve à la fin, bi majnoun. Alors qu'en principe, majnoun doit être avant bi ni'ma. On ne dit pas à l'école je suis allé, mais on dit je suis allé à l'école, n'est-ce pas? On ne met pas le complément avant. Ben, pareil ici. Normalement, ça doit être « Ma anta bi majnoun bi ni'mati rabbik ». Tu n'es pas un fou grâce au bienfait de ton Seigneur. Mais là, il dit « Tu n'es grâce au bienfait de ton Seigneur pas un fou ». D'accord? Donc, il a dit « C'est un antécédent qui est postposé ». Pourquoi Allah, il va dire « Pourquoi Allah a mis « bi ni'mati rabbik bi majnoun » mais pas dit « Ma anta majnounan » Pardon, c'est pour mettre en évidence son bienfait. Ni'ma, ça veut dire bienfait. Son bienfait en tant que Rabb. En tant que Rabb. Bini'mati Rabbik. Et qui dit Rabb, dit Tarbiya, dit éducation. Allah a éduqué son prophète. Et lui a accordé le bienfait. Là, je suis en train de décortiquer. Hein, à ce que le Mufassir fait. Mais anta bi ni'mati rabbika. Bon, l'emploi du ni'ma, faveur, hein, bienfait, et puis Rab qui vient du terme tarbiya. Donc Allah a éduqué son prophète et lui a prodigué le bienfait. Le bienfait de quoi? Le bienfait de la prophétie. Le bienfait de prophétie. Or cela est incompatible avec la folie. Hein? Il est incompatible avec le moindre soupçon de folie ou de déficience mentale. Comment se fait qu'Allah fait de ce Mohammed son prophète et qu'il soit fou? Non, impossible. Donc, méditez combien d'intensifs ont été employés dans ce verset. Méditez l'emploi des pronoms. à la deuxième personne du singulier, Anta, Rabbika, le kaf du mukhatab, le kaf de la deuxième personne du singulier, toi, ton Seigneur. Il n'a pas dit grâce au bienfait du Seigneur, il n'a pas dit grâce au bienfait d'Allah, mais il a dit bi Rabbik, de ton Seigneur. Il a annexé le pronom de sa, il a annexé le pronom à la deuxième personne à sa seigneurialité, Rabbik. Pour montrer quoi? Pour montrer comment il veille sur son prophète et comment il le défend, ton Seigneur. Et non pas, tu n'es pas grâce au bienfait d'Allah, non, au bienfait de ton Seigneur. Il y a une touche, une empreinte d'affection, une empreinte de bienveillance. Ça, c'est le travail du Mufassir. D'accord? Puis, qu'est-ce qu'il fait, le Mufassir, l'exégète? Il relie le verset à ses circonstances. Ah, là, il y a l'accusation des mécréants. Il accuse le prophète Sassam de fou. Et puis, la tristesse de son envoyé. Et c'est, il voit que ses accusations blessent son prophète. Donc, la connaissance de la syntaxe, c'est très important. D'accord? L'imam Suyuti, il cite cette science-là, l'arabe, dans le 41e chapitre de son Itqan. Nou al-wahid wal-arba'oun fi ma'rifati i'arabih. Et Suyuti, il a dit que des livres ont été consacrés à cet art. Il a cité le livre Mushkil al-arab. Mushkil al-arab al-Qur'an de Al-Makki. Il fait allusion à Al-Makki ibn Abi Talib. Et il a dit aussi que parmi d'autres qui ont consacré des livres à l'Arab, Abu al-Baqa al-Ukbari, oui, Makki ibn Abi Talib, Al-Qayrawani, c'est un maghrébin, il est andalousi, et Al-Qurtubi, il est Al-Maliki. Son livre, Mushkil al-Arab, c'est un livre sur les divergences sur l'analyse syntaxique de certains versets du Coran. Il a cité Abu al-Baqa al-Ukbari, al-Baghdadi, et là il fait allusion à son livre, At-Tibyan fi al-Arab al-Qur'an, c'est en deux volumes ce livre-là. C'est un linguiste, al-Ukbari, c'est un linguiste et un littéraire. Et puis il a cité As-Samin al-Halabi. As-Samin, il a cité que le nom Samin, il s'agit de Samin al-Halabi, Ahmed ibn Yusuf. C'est un linguiste exégète versé dans les qira'at. Son livre, Ad-Durr al-Masoun, fi Ulum al-Kitab al-Maknoun, est une encyclopédie. C'est un livre de tafsir, mais il a trop développé les différents avis sur l'arabe de tel et tel mot. Il a même été critiqué pour ses longs développements, et pour sa prolixité. Mais c'est une référence. D'ailleurs, quand on dit Samin, les savants disent Samin, veut dire en langue arabe gras. Il est gras. Il dit il a fait un livre gras. Il est mort, rahimahullah, au Caire en 756 de l'Hégire. Et parmi les références qu'a cité l'imam Suyuti, il a cité le tafsir d'Abu Hayyan Andalusi. Son tafsir est rempli d'analyses syntaxiques. Il a cité Sfaqsi. Il s'agit de Ibrahim Mohamed Sfaqsi, de la ville de Sfax en Tunisie. Il est mort en 742 de l'Hégire. Et oui, son livre est un excellent résumé de l'arabe du Coran. Sfaqsi et Samin sont les disciples d'Abu Hayyan. Sont les disciples d'Abu Hayyan l'Andalusi. Voilà, Inch'Allah, je m'arrête ici. Je vais continuer ce qui reste de la syntaxe. Certaines règles. J'espère ne pas être un peu flou dans mes explications parce que la syntaxe est un peu difficile. Bon, il ne reste qu'une leçon, la prochaine, Inch'Allah, pour attaquer la troisième étape du tafsir, à savoir la connaissance de l'état du texte. Est-ce qu'il est péremptoire? Est-ce qu'il est équivoque? Le muhkam, le mutashabih, le nasikh, le mansoukh, etc. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك